Eh bien bonjour pour ce nouvel épisode de Comparciné. Alors j'ai perdu le fil, en plus peut-être il y en a certaines qu'on ne sortira pas, je sais pas. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, j'ai envie de le dire, hein, parce que c'est moi le chef. Donc ce nouveau Comparciné aujourd'hui est placé sous le signe de l'adolescence, car nous allons parler de Carrie. Avec, bien sûr, on va faire d'abord les petites présentations. Je m'appelle Jérôme et en face de moi se tient la désormais célèbre Juju, Julie. Un bonjour peut-être ? Ouais. D'accord. Et donc, pour vous donner les coulisses de ce podcast, on va dire que Julie n'est pas dans une, dans un état d'esprit particulièrement communicatif. Et aimable avec moi, hein, c'est ça, on peut le résumer comme ça, Julie. Ouais. Et voilà, donc tout va très bien se passer. Donc aujourd'hui, nous allons parler, trêve de bilevasé, nous allons parler de Carrie, le bal du diable, versus Carrie, la vengeance, qui est un remake. Carrie au bal du diable, soyons précis. Non, c'est Carrie le bal du diable, en France, d'accord. Pas du tout, c'est Carrie au bal du diable. C'est... Voilà, donc de Brian De Palma qui date de 1976 contre le remake qui est de, comment elle s'appelle déjà, j'ai noté son nom quelque part, et bien sûr je viens de le paumer, il est de 2013 donc, et il est de, aide-moi Julie, non, sur la jaquette peut-être. Un réalisateur très connu. Non, c'est une réalisatrice en plus, tu vois. C'est là que tu te trompes déjà, premièrement. Brian De Palma. Mais non. C'est ce qu'il y a écrit, là. Je me suis trompé de jaquette. Comme c'est, tout est bien préparé alors. Alors c'est, en fait, c'est l'autre. Hein. Un petit peu plus loin. Ah, les feuilles vont, là, c'est vraiment le bazar. Dans nos studios, en plus, qui font 87 mètres carrés. Il faut quand même le dire. Oh, mais c'est pas possible que je l'ai pas. De Kimberly Pierce. De Kimberly. Pierce. Ah, ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, qui date de 2013. Alors, le Brian De Palma, il dure 98 minutes. Et celui de Kimberly Pierce, il dure 5 minutes. Et ça fait donc 8 minutes de différence. 8 ? Oui. 98 plus 8. Ah non, 8. Ça fait 2 alors. Ouf. Attends, calculons. Attends, je branche l'ordinateur, on va faire... Celui de Brian De Palma, ouais. Il dure 98 minutes. Ah, d'accord, tu n'avais pas bien articulé. C'est pas ah, ça. Pardon, c'est certainement ma faute. Voilà. D'accord. Et l'autre 5, ça fait donc 2 minutes à d'écart. Bravo, mais pff, on voit que tu as eu le bac. Donc, voilà. Déjà, une très très grosse différence de 2 minutes au moins. Il faut savoir donc que cette adaptation-là, il y en a eu une autre entre-temps qui a été un téléfilm en fait, qu'on n'a pas visionné encore. En réalité, il y en a eu 4, Jérôme, entre le premier et celui-ci. Oui, mais parce qu'en fait, ça a été la suite de Carrie, qu'ils ont fait un téléfilm aussi. Alors, il y avait Carrie qui était vraiment un remake du film de Brian De Palma, et ensuite, ils ont sorti une suite. Alors, je ne sais pas ce qu'elle doit. Les producteurs véreux d'Hollywood qui tentent de massacrer le cinéma. Parce que donc, voilà, c'est passé à la télé. On n'a pas pu encore le voir. Peut-être on le fera un petit peu plus tard. On comparera les trois. Et donc, comme j'étais en train de le dire quand j'ai été violemment coupé par une advertise, nous avons, pour une fois, changé un petit peu de mode opératoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous avons regardé en premier la nouvelle version de 2013 et nous avons revu, car on l'avait vu il y a certainement dans notre prime jeunesse, nous avons vu Carrie de Palma dans un deuxième temps. Alors, j'en gardais des souvenirs, je sais qu'à l'époque ce film-là m'avait pas, voilà, c'était pas un sujet qui m'intéressait, moi tout ce qui est les filles et tout ça, je trouvais ça un peu dégoûtant à l'époque. Donc bon, voilà, c'est pas un truc de garçon, parce que alors là, Julie si, me regarde avec des c'est yeux. C'est un film d'horreur, c'est un film de garçon. Il... C'est, oui, mais l'héroïne est une fille. D'accord. Qui ? L'héroïne. Oui, l'héroïne. Est une fille. Oui. Donc je peux, parce que moi-même, étant un garçon, j'ai pas pu m'identifier quoi, à l'époque. D'accord. Mais il y a des rôles masculins dans le film. Oui, mais bon, voilà, j'ai pas pu m'identifier. D'accord. Okay. Voilà. Quand l'héroïne tombe amoureuse du beau blond, ben, ça m'a pas trop emballé quoi, à l'époque. Okay. À l'époque, je parle, bien sûr. Là, aujourd'hui, et quand elle a ses règles trucs. Sous la douche. C'était un truc qui m'avait vachement plu à l'époque. Bon, je savais pas ce que c'était les règles, je connaissais les compas, les rapporteurs et tout ça. Mais bon, les règles, je connaissais pas du tout. Mais avant d'en venir à proprement parler du film. N'oublions pas notre séquence ouverture de courrier. Donc, Julie, fais-moi passer le sac, s'il te plaît. Oui, attends, je l'attrape. Merci. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante. Comparciné. Voilà. Ah, je crois qu'il y a eu un petit problème. Bon, je réglerai ça en post-production. Donc, je vais prendre une première lettre de mademoiselle Monique qui habite Atlanta. Je lis avec son accent. Ouais, alors, je pense que c'est pas mal ce que vous faites là, les deux petits jeunes. Moi, je suis en Atlanta actuellement. Et je vous écoute parce que je suis expatrié là-bas aux States. Et j'adore ce que vous faites. Surtout Jérôme. J'adore surtout la séquence du courrier. Voilà, à plus, gros bisous. Eh bien, remercie Monique de nous avoir écrit. Voilà. Je pense que c'était vraiment son accent, tu vois, ce côté typiquement hollywoodien, hein, vu qu'elle mâche du chewing-gum, certainement Hollywood aussi. Voilà. C'est Madame Taras. Je n'ai pas compris. Son nom de famille, c'est Taras. Monique Taras. Oh purée. Et quand je pense qu'il y a certaines blagues, tu me regardes avec l'air là, de me dire, mais tes blagues sont nulles. Et celle-là, c'est toi qui l'as fait. C'est une honte, Julie. Elle est bonne. Ah, elle est excellente, même dirais-je. Alors là, mon pauvre, aux grosses têtes, tu peux y aller direct. Hein. Tu vas passer de comparsiné à l'émission de Ricky, là. Ça va être très fantastique. Écoute, t'es un peu le Pierre Bénichou de cette émission, hein, de toute façon, on l'a toujours su. Mm. Voilà, nous avons donc ouvrir une deuxième lettre. Des cachettes, hein, avec une dague que j'ai achetée à la brocante. Clac ! Ça y est. Alors, c'est un certain Sylvain qui nous écrit du Gard et qui nous dit alors, vraiment, j'adore comparsiner, mais alors. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est les longs moments de silence que vous laissez entre deux phrases. Car le silence, c'est la beauté. Et j'aime bien les grands espaces blancs que vous laissez, où notre imagination peut laisser vagabonder notre esprit. Eh bien, écoute, Sylvain. Alors, ce Sylvain, quand même, c'est quand même quelqu'un qui a quand même de l'estime pour nous, donc on va le respecter. C'est pour ça que j'ai, chaque fois, il y a des petits 3 points, il indiquait le nombre de secondes que je devais laisser entre chaque mot. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de blagues dans notre émission. Alors, c'est pas qu'on est. Je vais pas faire de blagues sur le racisme et tout ça, parce que sinon, je vais être encore interpellé. Mais donc, voilà, on fait ce qu'on peut. Je sais qu'il y a des blagues dans l'émission. J'essaie de combler parce que Julie parfois me laisse tomber, comme là par exemple elle a laissé tomber son micro et elle est en train de apparemment s'essuyer les aisselles, c'est ce que tu fais. Je te laisse te dépatouiller avec ta blague, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Parce que tu crois que c'est une blague, les gens ils vont croire qu'on reçoit pas vraiment du courrier et tout ça. Enfin bref, bon, il y a encore beaucoup d'enveloppes, beaucoup de courriers, mais je pense qu'on finira de l'ouvrir la prochaine fois. Combien de lettres reçues cette semaine? 647. 647. À peu près pareil que la dernière fois. Il va falloir embaucher quelqu'un pour les compter. Okay. Ou c'est peut-être le sac de la dernière fois que j'ai oublié de jeter à la poubelle. Parce que toutes les lettres qu'on n'ouvre pas, bien sûr, on les jette, hein, et on attend de nouvelles. Hein, chaque fois, on les stocke pas. Attends, t'as pas beaucoup de respect pour nos auditeurs. Non, c'est pas ça, mais il faut faire du neuf, quoi. Tu vois. Okay. Peut-être il y a des lettres en double, hein, on va pas s'embêter. Voilà, donc nous allons passer maintenant, après ce petit moment de franche rigolade, au film à proprement parler. Donc en premier, donc, nous avons regardé Carrie, La Vengeance de 2013, avec comme actrice principale Chloé Grace Moritz, qui joue le rôle de Carrie, Julianne Moore, qui joue le rôle de sa mère, Gabriella Wilde, qui joue une sorte de Sainte Nitouche qui va aider Carrie, plus ou moins. Pourquoi tu dis que c'est une Sainte Nitouche? Parce que c'est celle qui aide Carrie, qui change d'avis, qui lui a jeté les tampons au tout début. Ben oui, c'est pas une Sainte Nitouche. En plus, elle est en cloque, donc c'est loin d'être une Sainte Nitouche. C'est pas une Sainte Nitouche, mais elle est quand même un peu cucu, quoi. Qui c'est qui dirait à son gars, bon, écoute, je veux qu'elle passe une bonne soirée parce que j'ai jeté un tampon dans la tête. Elle va me remplacer au bal et moi, j'irai pas et je suis heureux pour elle. Ok, elle peut être cucu si tu veux, mais c'est pas une Sainte Nitouche. Bon, d'accord, très bien. Excusez-moi soyons précis, pour ça. Soyons précis. Et enfin, Portia Double D, Double D, comme on dit en grec, qui joue le rôle de Christine Angersen, qui est la méchante du film, qui va faire un piège, tendre un piège machiavélique à cette pauvre Carrie. Dans la version de Palma, c'était Sissy Spacek qui jouait le rôle de Carrie, Piper Laurie qui jouait le rôle de sa mère, Amy Irving qui jouait le rôle de celle qui décide d'aider Carrie, et Nancy Allen qui jouait le rôle de la méchante Chris Angersen, c'est-à-dire la peste du lycée un petit peu. Alors Nancy Allen, il faut savoir qu'elle a joué dans pas mal de films de Brian De Palma. C'est une, on pourrait dire, on la considère un peu comme une Scream Queen. Elle a joué dans pas mal de films et on peut la retrouver dans Robocop de Paul Verhoeven où elle joue l'assistante de Murphy, là, enfin, la collègue de Murphy. Et voilà, dans les années 80, il y avait beaucoup de films avec elle, quoi. C'était un second rôle assez récurrent, quoi. Donc on va suivre la trame du film. Donc au tout début, les films ne s'ouvrent pas tout à fait de la même manière. La version de 2013 commence par un accouchement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu as pensé de cet accouchement, Julie ? J'ai bien aimé cette séquence. D'accord, ok. Donc on voit en fait Julianne Moore qui apparemment elle n'est pas trop au courant qu'elle est enceinte. Tout à fait, on comprend que c'est un déni de grossesse puisqu'elle n'a pas le gros ventre et elle est sur son lit en train de crier et au bout d'un moment tu te rends compte qu'elle est en train d'accoucher. Voilà. Alors, c'est ce qui va un petit peu orienter la version de 2013, je trouve on est plus axé sur la... un petit peu plus, hein, vraiment un petit peu plus, axé sur la relation mère-fille, je trouve. Dans cette version-là, dans la version de Brian De Palma, j'ai trouvé ça beaucoup plus confus hein, au niveau des liens entre les personnages. Tu vois ouais. Et l'ouverture de Brian De Palma commence par une scène sous la douche où on voit pas mal de nanas à poil. Tu ne te rappelles pas, apparemment. Je ne pense pas que ce soit la scène d'ouverture. La scène d'ouverture, oui, elles sont sur le terrain de volley. Voilà. Oui, voilà, mais ça passe assez rapidement. Et je crois que le générique commence quand elles sont sous les douches. En tout cas, il y a un grand morceau de ralenti sous la douche. Quoi. Oui. Voilà. Assez ridicule, d'ailleurs. Sous la douche, t'as trouvé ça ridicule. Oh bah oui, hein, ça fait vraiment un gros cliché sur les films des années 80 avec la nana qui se tripote sous la douche. Elle se tripote pas ? Ouais, si, elle se savonne les nénés, tu vois, un gros plein sur les nénés, voilà. C'est vrai que toi, tu es extrêmement prude et quand tu te douches, tu laisses ta main à 3 cm de ta peau, c'est ça ? Tu fais semblant de te frotter. Disons qu'en tout cas, il n'y a pas une caméra. Ah ! Ça, tu le sais pas, ça. Je t'avais pas dit. J'ai installé des caméras partout. Là. Bon, fait. Elles sont tombées. Donc, voilà. C'est vrai que moi, j'ai trouvé la version de Palma plus crue au niveau des actes, au niveau de la sexualité et tout ça. Par contre. Ah bon ? Ah, ben oui. De Palma ? Oui. L'ancien film ? Oui. Tu as trouvé plus cru ? Oui, au niveau du sexe hein, qu'il y a dedans. Ben pourquoi ? Il y en a pas ? Eh ben, à un moment, il y a une fille qui tâte, qui fait une fellation à son copain dans la voiture. On voit des filles à poil. On voit qu'elle couche, quoi. Même la méchante, ben oui, on voit. Moi, je suis pas du tout d'accord. Il y a effectivement la scène de la voiture, tout à fait. Mais après, dans l'autre film, dans le film récent, il y a la scène où on voit celle que tu dis, la scène nitouche, qui est en rapport avec son copain. Ah oui, je m'en rappelle plus. Mais oui. Bon. Dans une voiture, qu'après elle sort et c'est là qu'elle lui dit je suis pas bien, je regrette pour Carrie. Hein, voilà. Oui, oui, je sais pas s'ils vont jusqu'au bout déjà, petit 1. De quoi ? Eh ben, du rapport. Mais si, on les voit. Ah bon. Mais enfin, oui, mais c'est filmé de telle façon, il n'y a pas un morceau de peau. Ah, mais c'est pas grave, hein. On sait quand même ce qui se passe. D'accord, mais on ne voit pas un morceau de peau, c'est suggéré. Attends, je réfléchis. Non, c'est pas suggéré. On voit pas un morceau de peau, ok, mais on sait très bien ce qui se passe. Il y a aucune ambiguïté là-dessus. Suggéré, ça veut pas dire que on pense qu'il se passe rien. Ça veut dire qu'on ne te montre pas totalement, mais que tu comprends parfaitement. Ouais. Suggéré. Ouais, si tu veux. Non, c'est pas c'est le français. La scène de la fellation dans la voiture. Oui. C'est pareil, c'est suggéré. Oui, mais alors moi j'ai trouvé que alors autant... En plus c'est très mal suggéré parce que on voit que donc que sa tête descend et on voit plus la tête de la fille à l'écran, mais elle lui parle. Elle fait que lui parler, donc si elle lui parle, je suis désolée, mais elle fait pas la. Elle est peut-être ventriloque. On ne sait pas. C'est pas dit dans le scénario, mais bon. Bon, enfin, poursuivons. Donc, il y a la scène, la fameuse scène de la louche, hors de la douche, pas de la louche, ça n'a rien à voir. Alors déjà, très franc, disons-le tout net, entre l'ancienne version et la nouvelle version, les scénarios sont quasiment identiques, quoi. Il y a très peu de choses, moi j'ai trouvé, qui avaient changé. Alors que j'ai écouté quelques podcasts qui parlaient du livre, et j'ai lu aussi quelques critiques, où en fait le livre était vraiment différent. Déjà, le livre était organisé de façon à ce que les événements étaient racontés par plein d'intervenants, quoi, si tu veux. Tu m'as pas dit que c'était un livre de Stephen King. C'est vrai, c'est un livre de Stephen King. Premier. Alors, pas vraiment son premier, ça a été le premier qui a été édité, mais ça, c'est pas le premier qu'il a fait, quoi. C'est son quatrième roman, en fait. Mais ça a été le premier qui a été édité et ça a été le premier qui a été adapté au cinéma, qui a été le début d'une longue liste d'adaptations de Stephen King. Et c'est celui que sa femme a sauvé, en fait, parce qu'il avait écrit la scène de la douche, Stephen King, et il avait tout mis à la poubelle. C'est sa femme qui a repêché dans la poubelle c'est papier, quoi. Ouais, le papier où il y avait marqué des trucs dessus, c'est un nom, ça m'a fait. Le manuscrit, ping. Le manuscrit qu'il repêchait dans la poubelle, qui lui a dit non, écris la suite. Et donc ça a été le premier qui a été édité, qui a rencontré un vrai succès. Et qui lui a permis de quitter les petits boulots qu'il était en train de faire. Donc, les deux versions du cinéma sont assez proches au niveau des scénarios. Moi, je m'attendais quand même à des gros changements. On va dire que les petits détails qui changent, c'est la relation avec la mère qui est plus approfondie dans la nouvelle version par rapport à l'ancienne, je trouve. Et un petit peu les effets spéciaux qui sont un peu plus... Voilà, là, il y a de tout qui vole dans tous les sens. Des fourchettes, des couteaux, des assiettes. Voilà, tout ce qu'ils ont pu faire voler, ils l'ont fait voler. Ouais, c'est un peu plus riche en effets spéciaux. On verra si ça nous a plu ou pas, d'ailleurs, ce côté-là. Mais première grosse différence, dans l'ancienne version, qu'est-ce qu'elle pratiquait comme sport, Julie ? Dans l'ancienne version, le volley. Et qu'elle pratiquait très mal, d'ailleurs. Et dans la nouvelle ? Du beach volley. Non, beach, c'est sur la plage. Du water volley. Voilà, je ne sais pas si ça existe. Mais... Alors là, déjà, on peut se poser la question, le scénariste, pourquoi il a fait ça ? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on pourrait voir là derrière ça ? Bonne question, je sais pas. Parce que ça n'a aucun intérêt, quoi, de le mettre dans une piscine, le volet. Je sais pas. Bon, écoute, ça restera caché, ça doit avoir certainement une signification qu'on n'a pas compris. Enfin, repassons au fil de l'histoire. Donc, Carrie commence à saigner abondamment. Elle comprend pas qu'en fait. Elle complètement est... ridicule. Ah, ça t'a pas plu. L'ancienne version ou la nouvelle ? Ben, les deux. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on a ses règles, ça coule pas comme ça. Voilà, c'est pas... Là, tu dirais qu'elle vient de saigner le cochon, quoi. Alors que non, quand t'as tes règles, ça coule pas aussi abondamment. Parce que dans la nouvelle version, là, elle a les deux mains complètement ensanglantées, elle en met partout. Enfin, voilà, dans la vraie vie, ça se passe pas du tout comme ça. C'est pas du tout réaliste. Oui, mais avec l'eau de la douche. Bon, écoute, t'es une fille. Non. Bon, bah, on laisse tomber. Je te dis, c'est pas du tout réaliste. Bon, c'est dommage, je connais pas le numéro de Michel Simès. J'aurais préféré avoir son avis à lui, mais bon, on va te croire sur parole. Mais bon, c'est un film. Okay. Si elle avait eu juste un petit peu de sang au bout de la main. Au niveau de la quantité du sang, je dirais que l'ancien film est plus réaliste parce qu'il y a moins de sang comparé au deuxième film. Combien ça fait de litres, normalement ? Dans la vraie vie, ça fait combien de litres, à peu près ? Une bonne bouteille de Vittel ? Un verre d'eau ? C'est très radiophonique, ça fait ça. Oh là, je dirais qu'il n'y avait même pas 5 cm de contenant, quoi. Donc, elle a peur, hein, Carrie, dans les deux versions. De toute façon, elle ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et là, elle va être la risée de toutes ses camarades qui vont lui jeter des tampons et qui vont se moquer d'elle. Alors, première petite différence, dans la nouvelle version, il y a l'utilisation du portable, que je trouvais pas trop mal utilisé, effectivement, si ça se passait aujourd'hui avec tout le monde filmerait la scène. Et je trouve que ça renforce le côté bouc émissaire, quoi. Je trouve ça malsain, quoi. Tout à fait, ça, on va dire que ça s'adapte bien à notre époque, avec tout ce qu'on dit sur le harcèlement scolaire et tout ça. Mais néanmoins, c'est quand même louche que toutes les filles se mettent à la harceler. Parce que dans la vraie vie, c'est pareil. Il y a peut-être un groupe majoritaire ou minoritaire même de méchants qui harcèlent. Mais il y a quand même des gentils qui vont défendre le harcelé ou alors qui vont se retirer et ignorer la chose. Alors que là, tout le monde se met contre elle, ça veut vraiment trop. Oui, mais alors, le réalisateur peut-être avait pensé à aller un petit peu plus loin et filmer ceux qui étaient en retrait et qui préféraient ne pas se mêler. Non, mais là, si c'est pas le cas. Toutes les filles, elles sont là, jeter des tampons. Toutes, tu les as comptées. Je les ai comptées. Il y avait deux équipes. équipe de volées. Tout à fait, 12 filles. Tout à fait. 12 filles. Bah, écoute, alors, vraiment, toi, c'est vraiment de la précision. Hein, okay. Oui. Hein, fait, bref. Donc, d'un coup, heureusement, la prof de sport intervient. Et lui colle une beigne, ce qu'elle a bien mérité d'ailleurs. Alors toi, franchement, t'es vraiment comme ça, toi. Donc, la prof, effectivement, la frappe parce que Carrie perd un peu hystérique. Exactement, bravo. Et la prof la frappe, mais de suite, elle la réconforte, elle la prend dans ses bras et tout ça. Et on va avoir la petite scène chez le proviseur. Parce que donc, Carrie est convoquée chez le proviseur pour voir un peu comment ça s'est passé. La prof parle au proviseur et le proviseur... Dans les deux versions, les proviseurs sont gênés par l'évocation des règles. On voit qu'ils n'ont pas envie de prononcer même le mot. Voilà. Et... D'ailleurs, je pense que dans la deuxième version, ils auraient pu enlever cet effet-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant, je pense. Oh, il y a des proviseurs. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être assez gênées. Hein. Le fait que ce soit peut-être d'une façon différente. Justement, mais parler à une jeune fille aujourd'hui, un proviseur. Bon, là, il y a la prof comme témoin, mais ça peut vite basculer dans de mauvaises choses. En tout cas, donc, ça va être le lieu des premières manifestations des pouvoirs de Carrie. Car le proviseur... Faux. Ah, faux, pourquoi? Parce que sous la douche, il y a aussi un fait péter le néon. Bravo, Julie. Heureusement que tu es là pour me remettre sur le droit chemin. Par ton sens inné du détail. Donc, effectivement, ça va être la deuxième fois. Mais là, ça va être, on pourrait croire, le premier truc, que c'était une coïncidence. Regarde lustre, il y a la lumière qui pète. Bon. Mais là, le cendrier, dans l'ancienne version et dans la nouvelle, je crois que c'est pareil. Je crois qu'elle fait bouger aussi quelque chose. Je crois que c'est le cendrier. Mais donc, vu que le proviseur l'appelle Cassie, ça l'énerve au bout d'un moment. Et donc, on va voir que quand on l'énerve, elle a tendance à réagir avec ses petits pouvoirs. Donc là, elle va juste faire bouger le cendrier. On peut voir que dans l'ancienne version, la prof là, de sport, elle fume comme un pompier. Ah bon ? Oui, tu ne te rappelles pas ? Elle était en train de fumer dans la salle du proviseur et elle écrase son mégot quand il rentre. Et on voit que le proviseur, il est un petit peu gêné. Et d'ailleurs, alors je crois que dans... Qui c'est qui fume ? Parce qu'à un moment, on voit que Carrie, elle est gênée par la fumée là et ça la gêne. Oui, ben c'est dans l'ancienne version aussi. Si ça se passait, là, on voit que ça la gêne et c'est ce qui lui fait faire bouger le cendrier. Enfin, donc Carrie rentre chez elle. Elle est dispensée pour le reste de la journée. Et c'est là qu'on va enfin retrouver, soit découvrir, soit retrouver sa mère. Il y a une petite séquence où la mère, dans l'ancienne version, va voir une autre femme pour lui vendre des bibles, quoi, en quelque sorte, lui prêcher, faire du prêcher-prêcha. Mais passons ça. Donc, Carrie rentre chez elle, et première confrontation avec la mère, où on va voir que la mère n'est pas hyper, hyper sympa. Ça m'a rappelé toi, d'ailleurs, par moment. C'est dans le dictionnaire, prêchi-prêcha. Prêchi-prêcha, oui. Okay. Enfin. Donc, qu'est-ce que tu as pensé des deux mamans, j'ai envie de dire, l'ancienne version et la nouvelle version? Qu'est-ce que tu en as pensé? Oh, eh bien, les deux sont aussi tarées l'une que l'autre. Non, les deux vont bien, je trouve. Ah oui, l'ancienne version, t'as aimé? Ouais. Alors, il faut savoir que l'ancienne version, c'est Piper Laurie qui joue le rôle de la mère. Et qui joue dans l'arnaqueur. Tu n'as pas honte, c'est moi qui te l'ai dit. Hein, fait, bref, donc, elle était Piper Laurie, elle s'était éloignée des plateaux et elle a repris, voilà, elle a été réengagée pour faire son rôle. Ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas joué. Et dans la nouvelle version, c'est Julianne Moore qui joue le rôle de la mère. Et alors, toi, tu as aimé, dans l'ancienne version, le rôle de la mère? Bah oui, pourquoi pas toi? Ah, pff, j'ai trouvé que c'était vachement outré, quoi. Ça va pas du tout avec... Autant si se passait qu'elle joue son rôle de manière pas trop outrée, quoi. Mais alors là, la mère, t'as l'impression que c'est une sorcière qui va monter sur son balai. Elle est toujours habillée en noir. Elle est vraiment over the top, quoi. Et d'ailleurs, j'ai lu des anecdotes qui disaient qu'en fait, l'actrice, jusqu'au bout, elle croyait que son rôle c'était un rôle comique, que ça allait être un film comique, quoi. Parce que vraiment moi ça m'a complètement sorti du film là. Sa façon de jouer là, c'est toujours complètement allumé là. J'imagine que des gens comme ça il y en a, mais dans l'ambiance du film, j'ai trouvé que vraiment là j'ai vraiment préféré Julianne Moore. On aurait eu si se passait que dans le rôle de la fille avec Julianne Moore, ça aurait été un film je trouve beaucoup mieux. Enfin, c'est, oui, c'est le problème, c'est que Sissi Spacek, maintenant, elle est plus vieille que Julien Nemours. Purée. Et ouais. Deuxième blague, hein. Je note, attends, ça fait deux, c'est bon, t'as atteint ton quota, tu peux t'arrêter là, deux, c'est bon. Ou alors, à l'époque... Julianne Moore, elle aurait été bébé ou serait voilà. Même pas née. On voit la troisième blague. Si, elle était née. Troisième blague, je le note, c'est bon. Le prochain podcast, tu pourras en faire aucune, tu sauras. Donc, voilà, bon, moi, la prestation de Piper Laurie, j'imagine... La prestation de Piper Laurie, moi, ça m'a, voilà, ça m'a vraiment pas plu. Donc, on peut voir que c'est un peu conflictuel entre Carrie et sa mère. Voilà, sa mère veut à tout prix la préserver du monde extérieur et l'oblige à s'enfermer dans un placard dans les deux versions pour prier le Seigneur, alors qu'en fait, elle a quasiment rien fait. Mais... voilà, bon, c'est, ça se passe pas bien entre elles, mais Carrie baisse toujours la tête pour l'instant et se laisse plus ou moins influencer par sa mère, quoi, parce que quand elle ressort du placard après être restée pendant un sacré moment, on voit qu'elle se réconcilie. Et par contre, on sent plus d'amour entre la mère et la fille dans la nouvelle version, j'ai trouvé, que dans l'ancienne. Mmh, ouais, peut-être. Je sais pas, les deux, je trouve. Non, moi vraiment, dans la nouvelle version, c'est vraiment un des points positifs de la nouvelle version, c'est que vraiment, le rôle de Julianne Moore, il est ambigu. On sent qu'elle est, voilà, qu'elle a un grain, quoi, et plus qu'un grain même. Mais moi, je ressens de l'amour envers Carrie chaque fois, quoi. Elle a des sortes de spam, de spasmes de religion, mais il y a toujours derrière un petit peu d'amour pour sa fille, quoi. Bon. Parallèlement à tout ceci, on peut voir que une des participantes à l'humiliation de Carrie va regretter son geste. Donc c'est comment elle s'appelle déjà ? C'est Suzanne Snell qui va décider de plus ou moins aider Carrie pour se faire pardonner son geste. Qu'est-ce que tu as pensé des deux versions, la nouvelle version et l'ancienne version? Moi, j'ai trouvé que, par exemple, son basculement vers le fait d'aider Carrie, dans l'ancienne version, n'était pas assez bien expliqué, quoi. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, elle décide d'aider Carrie. C'était beaucoup plus, on passe beaucoup plus vite là-dessus. C'est vrai, tu as raison. C'est mieux expliqué dans le film, dans le nouveau film. Voilà, je pense que si on avait vu celui-là, l'ancienne version en premier, tu vois, j'aurais pas saisi, c'est un peu bancal, quoi, comme c'est fait. Tout d'un coup, là, il faut savoir que l'actrice qui jouait le rôle de celle qui a de Carrie, qui s'appelle Suzanne Snell, donc, est Amy Irving. Et Amy Irving, en fait, elle va épouser quelques années plus tard Steven Spielberg. Ah. Et ouais. Ok. Et en fait, Brian De Palma et Steven Spielberg, ils étaient copains. Et Brian De Palma, il avait dit à Steven Spielberg, ouais, viens sur mon plateau parce qu'il y a plein de filles et tu pourras draguer et tout ça. Ce qu'il a fait, c'est vrai, en plus, apparemment, enfin, c'est une des anecdotes. Et donc, c'est là qu'il a rencontré sa future femme. Et Amy Irving, d'ailleurs, dans le film, celle qui joue sa mère, c'est réellement sa mère. Mmh. Voilà, c'est une petite anecdote un peu sympa. Et il faut savoir aussi que celui qu'on va découvrir d'ailleurs sous peu, c'est-à-dire le petit ami de Suzanne Snell, de la gentille, qui va mener Carrie au bal, et qui s'appelle William Catt, le blondiné que tu trouvais insupportable avec ses frisettes, là, dans l'ancienne version, et bien c'est lui qui aurait pu jouer Luke Skywalker. Je sais, il a auditionné pour Luke Skywalker. Mais en fait, tu t'es préparé. Tu as lu l'article Wikipédia ? Pas du tout. Moi, c'est des sources. J'ai appelé Lucas. Moi, je l'appelle Lucas parce qu'on est vraiment potes. Et j'ai dit, ouais, est-ce que tu as des souvenirs c'est là-dessus et tout. Il m'a dit, ouais, il y a Willou, là. Parce que lui, il l'appelle Willou, hein, William Catt. J'allais le prendre pour le rôle de Luke Skywalker dans mon film qui a pas trop mal marché, Star Wars. Et au final, j'ai changé d'avis. Et donc, il a tourné dans mon film de mon pote Brian. Parce qu'en fait, ils étaient tous copains, quoi, les réalisateurs. Là. Ils passaient les uns voir les autres et tout ça. Donc, j'ai absolument pas regardé Wikipédia ou quoi que ce soit comme ça. D'accord ? On est bien d'accord là-dessus ? Okay. Bon, c'est des informations de premier rebours, comme on dit. Donc, Suzanne donc, va convaincre son boyfriend, Tommy Ross, d'aider Carrie et donc de la mener au bal. dans un premier temps, Carrie va refuser. Dans les deux versions, c'est niet, non, n'y pensons même pas. Mais petit à petit, elle va se laisser convaincre. Ça me fait penser qu'on n'a pas abordé le rôle de Carrie, joué dans l'ancienne version par Sissy Spacek et dans la nouvelle par Chloe Grace Moretz. Comment pourquoi tu dis Moretz? Ah ben parce que ça s'appelle Chloe Grace Moretz. Moretz. M-O-R-E-T-Z. Moretz. Oui. Ouais, mais moi, je prononce à la grecque. C'est pour ça. Alors, laquelle des deux t'as préféré, Julie? Les deux. Bravo, bon choix. Tu reconnais bien là, tu ménages la chèvre et le chou. Je trouve que la récente, là, elle, au début... Chloe elle Grace Moretz. Voilà, au début, elle est vraiment casse-pied, là, t'as envie de la secouer, là, parce que son allure, on va dire, est vraiment trop exagérée, avec les épaules et la tête basse, là, c'est vraiment trop exagéré, mais après, ça va. Une fois que cette période-là est passée, ça va. Moi, j'ai trouvé Sissy Spacek beaucoup mieux, quoi. Parce que Sissy Spacek, ça fait... Elle est pas moche, hein, si tu veux. Mais je pense qu'elle est rousse, hein, on peut dire qu'elle est rousse, hein, 90%. On peut dire, oui. Voilà. Mais son allure un peu chétive et tout ça, même si elle n'est pas moche, la façon qu'elle a de jouer le truc, on voit que c'est quelqu'un qui est plus faible que les autres et qu'on pourrait humilier, tandis que Chloé, là, excusez-moi, ouais, Chloé, ouais, hein, ouais, mais elle joue vraiment mal, quoi. On voit qu'elle est en train de jouer, quoi. Elle n'est pas dans le rôle. Jusqu'au à peu près au milieu du film, après ça va aller un petit peu mieux, mais elle est pas dans le rôle, quoi. Elle en fait trop ou elle en fait pas assez, je sais pas, mais tu t'y crois pas à ce qu'elle fait. Tu vois quelqu'un en train de mimer, je pense qu'elle a jamais été tabassée en cours, là. Tandis que Sissy Spacek, à mon avis, elle a dû mais connaître ça. Alors, une question, quel âge avait Sissy Spacek au moment du tournage? Alors, 57 ans, elle les fait pas, hein. c'est une bonne actrice, hein. Je sais pas, elle était très en fait, elle était déjà mariée, hein. Parce que ça, tu l'as pas lu. Eh bien, écoute, nous allons rechercher tout de suite sa date de naissance. Parce qu'en fait, elle était mariée à un décorateur, si tu veux. À la base, c'était pas elle qui devait. De Palma, il avait fait auditionner plusieurs personnes pour le rôle. Et c'est le mari de Sissy Spacek qui était décorateur pour Brian De Palma sur ce film et sur le film précédent. Je crois que le film précédent, c'était Obsession ou sinon c'était. Le fantôme de l'opéra, là, un peu là. C'est. C'est un film musical. Bon, enfin. Et donc, c'est le décorateur qui a dit à Brian De Palma, t'es auditionne ma femme. Alors, au début, il ne voulait pas et au final, il a été convaincu, quoi. Donc, alors, moi, franchement, je trouve que le Sissy Spacek, elle joue vraiment super bien. Elle s'en sort très bien. Et elle a, même quand elle commence un peu à prendre de l'assurance, voilà, on voit que c'est quelqu'un de vachement naïf et qui en quelque sorte s'y attendait pas et est heureuse, quoi. Tout d'un coup on voit vraiment que elle croit au bonheur qui lui arrive, quoi, si tu veux. Elle a vraiment un sourire qui est, voilà, que je trouve honnête, quoi, si tu veux. Enfin, dans les deux versions, le changement, il est à ce moment là en fait. Oui, oui. Quand elle dit, voilà. Oui, pour aller au bal, c'est à partir de là que tout change. Oui, mais elle garde, si tu veux, toujours un côté fragile, si c'est pas sec. Et vraiment, tu vois que je pense que si quelqu'un avait vraiment une vie pourrie, qui était, voilà, que tout le monde tabassait et tout ça, s'il lui arrivait ce genre de choses, que tout d'un coup ça devient presque la star du lycée, quoi, si tu veux, elle aurait cette expression là, quoi, sur le visage. Elle reste fragile, si tu veux, mais on voit qu'elle y croit avec sa naïveté, et ça va être d'autant plus dur pour elle quand ça va commencer à mal se passer. Alors, elle est née en 1949. Le film date de 1976. Julie, avec ton Attends, pouvoir de calcul. Calculatrice. Oui, parce que là, c'est important. Hein, les auditeurs, là, ils se disent vraiment. Surtout qu'ils n'ont pas le temps, eux, de faire le calcul. Donc, je vais combler. 27. Ça fait 27 ? Ouais. Eh ben, bravo. Donc, elle avait 27 ans, proche de la trentaine. Donc, et elle joue le rôle d'une adolescente de 17 ans. Moi, je trouve que ça se voit. Alors que dans l'autre film, par contre, non. Elle fait vraiment... Ah ouais ? Ah oui, je trouve qu'elle fait vraiment jeune. Alors là, j'aime mieux te poser une question qui va te prendre au moins 27 minutes. Hein. Quel âge ? Alors attends, il faut que tu me redises le nom de l'actrice. Chloé Grace Moretz. Chloé... Voilà, Grace... Tout ça est fait en direct, hein, bien sûr, sans trucage. Moretz. Oh. Et le film date de 2013. Unavailable, zut. Et ouais. Elle est née en 97. Elle a donc... Attends, rappelle-moi en quelle année était sortie. 2013 moins 1997. Ça fait donc 16 ans. Elle avait 16 ans au moment de tourner le film. Alors là, je... Elle avait donc 16 ans au moment du tournage, puisque elle est née en 97 et que le film a été tourné en 2013. Elle avait donc l'âge de son personnage à un an près, puisque le personnage de Carrie dans le film a 17 ans et qu'elle avait donc 16 ans. Elle colle donc parfaitement en termes de profil à son personnage. Merci Julie pour ces précisions. Donc, moi personnellement, j'ai rien à faire, mais enfin. Donc, poursuivons. Donc, Carrie est invitée au bal par Monsieur Bouclette ou sinon Monsieur Grosse Lèvre, parce que je trouve que l'acteur il a des grosses lèvres. Il n'a pas des grosses lèvres, il a des lèvres fines. Non, non, pas dans l'ancienne version, dans la nouvelle. Ah oui, d'accord, oui, dans la nouvelle, voilà. Oui. C'est d'ailleurs, bien. Cet acteur, on va le retrouver dans Baby Driver, là, un film qu'on a vu là, il y a peu de temps, qui était pas oui, mal. C'est vrai. Avec des lunettes, je trouve qu'il a un air bon là dans le film ça va, mais bon, je sais pas si ça sera une grande star de cinéma lui, parce qu'il vraiment il a un air un peu bizarre quoi. Enfin, j'aime pas trop sa figure, excuse-moi hein, si tu nous écoutes. Donc Carrie va finalement accepter, elle est plus ou moins poussée parce qu'il vient de la voir chez elle, elle a peur que sa mère voit tout ça, donc elle accepte. Et parallèlement à tout ça, on s'aperçoit que la méchante, hein, parce qu'il y a une méchante dans le film, a décidé de créer des problèmes à Carrie, car elle a été en quelque sorte privée de balles de fin d'année à cause de ce qui s'était passé dans les douches. Et c'est Chris, donc la méchante du film, qui est jouée par Nancy Allen dans l'ancienne version et par Portia Doubleday dans la nouvelle. Qu'est-ce que t'as pensé des deux méchantes, Julie ? Ben, qu'elles sont pas gentilles. Merci, c'est fantastique. Donc, laquelle des deux t'as préférée ? Je dirais, dans le nouveau film, la méchante est plus méchante parce qu'elle n'a aucune limite, qu'elle insulte le prof, qu'elle lui dit vraiment des choses que... Pff, voilà. D'ailleurs, je trouve que les sanctions sont assez légères comparées à ce qu'elle fait. Mmh. Dans le nouveau film, entendons-nous bien. Alors que dans le film ancien, elle se prend quand même une paire de baffes de la prof. Mmh, c'est donc vrai. Ça représente aussi une époque. Voilà, à l'époque... On n'hésitait pas chier. À éduquer le les prof, enfants. Mais oui, le prof, il te collait une paire de baffes. Maintenant, alors que maintenant, non. Non seulement elle ne dit rien, mais en plus, elle se retrouve dans le bureau du proviseur et elle s'est fait remonter les bretelles par le proviseur. On le comprend parce qu'il lui dit à un moment donné. Mmh. Et le prof, il y a le père aussi qui est là. Le père qui est là aussi... Tu vois, voilà, on ne sait pas trop s'il va défendre sa fille ou s'il va se mettre du côté des encadrants. Mais peut-être ça, c'est le moment où je me suis un petit peu assoupi dans l'ancienne version. Il y a la rencontre avec le père aussi, non ? C'est que dans la nouvelle, non ? Oui, c'est que dans la nouvelle. Voilà. Oui, c'est vrai que ce moment-là, c'est bien parce que ça rajoute un peu une ambiguïté. On voit que le père, en fait, il ne s'occupe pas de sa fille. Voilà, il s'en tape, le père. Voilà. Bon, est-ce que c'est un peu une dénonciation du fait que les enfants... En fait, à bien y réfléchir, ce film, il est vraiment bien ancré dans notre époque. Le remake de Carrie, en fait, il reprend le scénario, c'est vrai, il est très fidèle au scénario de base, mais il est vraiment super bien adapté à notre époque, avec l'histoire, effectivement, du portable, comme tu l'as dit, la relation avec le père qui est à fond dans son boulot, qui s'en moque, comme ce que je viens de dire, la prof qui gifle l'élève... L'élève qui est vraiment hyper arrogante et qui insulte la prof. Ouais, en fait, c'est super bien adapté, je trouve. Bravo. À notre époque. Oui, et alors je saute directement à la conclusion finale, qui est que je préfère le remake. Eh bien, merci. Allez, on se quitte. Tout ça musique. Je peux et pas toi mettre... Et toi ? Mais t'as fini, là ? Enfin, on parle pas du reste. Si, mais c'est juste j'ai envie de le savoir. Ah, ben, je te le dirai à la fin. Ça fera une sorte de petit teaser pour la suite du podcast. Ok. Donc, moi j'aime bien les deux méchantes, je trouve que dans les deux elles sont je dirais que la nouvelle version on voit qu'elle est vraiment un peu maso quoi, si tu veux. Elle est sadique. Oui, sadique. Elle aime faire souffrir. Oui, voilà, exemple quand elle plante le couteau dans le cochon là, tu vois qu'elle prend du plaisir à tuer le cochon. Tandis que dans l'ancienne version, elle est plus méchante. Tu vois ? On voit que c'est un peu une pembèche, mais il n'y a pas ce côté-là où, avec plus de malice quoi, à l'intérieur. L'autre, elle fait ça par stupidité, méchanceté, tandis que dans la nouvelle version, elle est plus sadique et on voit que, effectivement, elle s'en prend à l'animal, on voit qu'elle aime ça, quoi, si tu veux. Tandis que l'autre, c'est plus de l'inconscience, je trouve. Enfin, donc, le plan machiavélique se met en place. Hein. On va comprendre petit à petit ce qui va se passer. Et donc, c'est le soir du bal. Alors, on peut dire que quand même, pendant tout le film, dans l'ancienne et la nouvelle version, il y a le rôle de l'enseignante, la prof de gym, qui aide Carrie, qui la protège plus ou moins, qui apparemment ne se trouve pas vraiment dans le livre. Hein. Ce personnage-là, il n'a pas autant d'importance. Hein. Mais donc, on va voir qu'il y a une petite différence dans le traitement en fin de film. Donc, c'est le soir du bal. Alors, Carrie est au bras de son cavalier. Et alors, moi, je trouve que dans l'ancienne version, on voit qu'il est en train de craquer, quoi. Un peu pour Carrie, je trouve. Dans la nouvelle, ils sont plus amis. Enfin, lui, il a un côté plus amical que amoureux. Tandis que dans l'ancienne version, on dirait vraiment qu'il est en train plus ou moins de tomber amoureux d'elle, quoi, quand même. D'ailleurs, ils s'embrassent. Oui, voilà, c'est ça. La seule différence, c'est qu'ils s'embrassent, c'est tout. Après, je pensais qu'il y a... Ouais, ça joue un peu sur l'ambiguïté, quoi. Tu sais pas trop pourquoi Oui, ils mais... sont ensemble, en fait. Parce que lui, il a son amoureuse, quand même. Ouais. Tu vois? Et non, dans le film récent, on comprend bien qu'il est amoureux de sa copine et qu'il accepte d'accompagner Carrie pour lui faire plaisir. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est voilà, pour une soirée, il a accepté de lui faire plaisir et qu'il va jouer les gentlemen. En fait, voilà, il va être galant pour la soirée, point barre. Voilà. C'est exactement ce que je suis en train de mais dire. Il va rien se passer. Mais dans l'ancienne version, c'est vrai qu'on le sait. En fait, on comprend pas trop dans l'ancienne version pourquoi la fille demande à son copain d'aller accompagner une autre finalement. Finalement, oui, c'est l'envoyer dans les bras d'une autre fille, en fait, c'est ça. Mais voilà, moi dans l'ancienne version, la façon qu'il a de jouer, quoi, si tu veux, et du rapport entre les personnages, on dirait vraiment qu'il y a un sentiment amoureux qui naît entre les deux, tandis que dans la nouvelle version, elle, je pense qu'elle croit que c'est l'amour, tandis que lui, il est plus dans le côté, elle est finalement, Carrie, elle est sympa, je vais la faire sortir. C'est voilà, il prend le petit canard et il tente de l'aider à s'en sortir, quoi, si tu veux. Bon, il y a aussi la grosse différence, c'est que le fait que celle qui essaye d'aider Carrie est enceinte aussi, Oui. tandis que dans l'ancienne version, elle l'est pas. Oui. Qu'est-ce que ça donne en plus au film? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet apport-là? Alors, disons qu'à la fin, il y a deux personnes qui sont épargnées, c'est elle qui est enceinte et la prof. Voilà. Je trouve ça dommage. J'aimais bien dans la première version le fait que en fait tout le monde n'a rien à foutre, que tu Et comprends pas de qu'en fait boulot. voilà un peu un boulon et puis ceux qui sont là, ben, tant pis pour eux, c'est comme ça. J'aimais bien ça en fait. Le fait que ce soit complètement imprévisible, incontrôlable, et c'est ça qui fait le film d'horreur en fait. Parce que si elle choisit les gentils et les méchants, au final, c'est plus un film d'horreur, ça devient n'importe quel film de Hollywood. Voilà. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc le bal se passe. Bon, il y a la petite danse, le bisou ou pas selon les versions. Et vient le moment où Est-ce qu'on Carrie. peut juste revenir un peu sur la séquence où elle arrive au bal avec sa robe? Et en fait, dans la version de Palma, c'est vachement long, au ralenti avec la musique, et j'ai trouvé ça très très long aussi et très démodé. J'ai pas du tout aimé cette séquence. C'est vrai. Oui, moi, au niveau de la réalisation, j'ai lu plein de critiques très élogieuses. Voilà, il y a certains trucs que j'ai aimés, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont vieilli. Et ouais, ce passage-là n'était pas terrible. Donc on en vient donc là, c'est séquence du bal où il va se passer ce qui va se passer, hein, en étant précis. Donc Carrie et son copain de la soirée sont élus. Roi et reine du bal, et il monte sur scène, et là il va y avoir la fameuse séquence où Carrie va se prendre un bon seau de sang de cochon sur le visage. Qu'est-ce que tu as pensé des deux versions, la nouvelle et l'ancienne? Et j'ai trouvé que dans les deux versions, c'est très bien fait quand elle se prend le seau. J'ai préféré quand même sur la nouvelle version, là, parce qu'en fait, elle joue très bien la surprise de quand elle se prend ce seau-là, quand elle se demande ce qui lui arrive. Voilà, j'ai beaucoup. Ouais, moi je Et trouve à ce dans l'ancienne moment-là. version, il y a un effet de style aussi. Non, dans la nouvelle, elle se le reçoit plusieurs fois. Tu vois plusieurs fois la scène aussi. Et ben, je trouve que c'était pas mal. C'est très actuel, en fait, comme aujourd'hui, qui te passent toujours les ralentis, tu sais. J'ai bien aimé. Alors moi j'ai trouvé ça un petit peu mieux chez Brian De Palma parce que tu vois les ombres, parce qu'en fait celle qui essayait La de méchante, défendre ouais. non, celle qui essayait de défendre Carrie co comprend et nous avec le traquenard en quelque sorte ce qui va se passer. Et bon, ça c'est un des motifs qu'on retrouve souvent chez Brian De Palma, c'est-à-dire que un des personnages voit un de ses amis ou une autre personne mourir. Ça c'est bon, le côté voyeur, il est vachement présent chez Brian De Palma dans tous ses films. Moi j'ai préféré la version de Brian De Palma parce que justement cette séquence où elle reçoit le sceau, Si, alors, même si j'aime bien la prestation de Chloé Grace Moretz, comme je l'ai dit, qui, ouais, le moment de surprise là, c'était, je trouve qu'elle le joue super bien, mais j'ai préféré quand même la version de Brian De Palma, quoi. De toute manière, les deux scènes sont bien. Oui, ouais, mais je sais pas, la façon de l'éclairage qu'il y avait et tout ça, et puis il y a des moments là où ils vont être forcés, là, le sang, parce qu'il y a l'effet. Effets spéciaux d'aujourd'hui, quoi. Si tu as un moment, il y a le sang qui se décolle d'elle en quelque sorte et qui commence à s'envoler et tout ça. Là. J'ai trouvé que c'était trop. Il y a une des deux versions où on n'entend plus rien, tout le monde la regarde et c'est le silence et tout le monde commence à rigoler. Mmh. Et dans l'autre version, on n'entend plus rien, mais on voit qu'en fait, c'est dans la tête de Carrie qu'on se trouve à ce moment-là parce qu'on voit qu'il y a des lèvres qui bougent et on arrive à lire sur les lèvres du garçon Oh my god! Ou un truc, je sais plus ce qu'il dit. C'est dans l'ancienne version, ça. Mais dans les deux, de toute façon. Mais ça, j'aimais bien ça, parce qu'en fait, ça montre que les gens continuent à s'agiter autour d'elle, mais elle, le truc, c'est qu'elle a bloqué à ce moment-là, tu vois, et c'est vachement bien fait, je trouve ça. Mais ça, c'est dans les deux versions, hein, qu'on comprend qu'elle croit que tout le monde est en train de rigoler d'elle, ouais. Alors qu'en fait, il n'y a que quelques personnes, ceux qui sont à la base du coup, quoi, ouais. Si tu veux, qui se fichent d'elle, quoi, si tu veux. Peut-être pas dans la nouvelle version, un peu moins parce qu'il y a les images qui passent en même temps, mais en fait, on va dire que là, je pense, hein, de mes souvenirs, il y a la moitié de la salle qui est divisée. Il y a ceux qui rigolent avec ceux qui ont fait le coup, et l'autre partie de la salle qui est épouvantée par ce qui est en train de se passer et qui la prend en pitié, quoi. En fait, ça, il faudra préciser et voir. J'invite nos auditeurs, qui sont nombreux, je crois que je regarde les statistiques, ouais, ils sont trois encore à nous écouter, à regarder le film pour se faire. Donc voilà, bon, moi je à ce moment-là, vraiment la séquence du saut, je préfère la version de Brian De Palma. Tu l'as déjà dit. Mais d'une courte tête, hein, parce que c'est vrai que la nouvelle version est pas mal non plus, un peu trop d'effets spéciaux. Là va commencer le moment où Carrie va commencer à dézinguer tout ce qui passe à sa portée. Qu'est-ce que tu as préféré des deux façons? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé De Palma là quand... en fait, le visage de Sissy Spacek qui est complètement transfiguré à ce moment-là. Avec ses mains aussi. Voilà. Moi, c'est ses mains qui ressemble vraiment à une sorcière. Et je crois qu'il passe au noir et blanc à ce moment-là, d'ailleurs. Et c'est vraiment très, très bien fait. Non, c'est pas noir et blanc, c'est le rouge. Voilà, il y a un rouge. Filtre rouge, c'est ça. Et là, c'est vraiment... Voilà, c'est ça, en fait. C'est vraiment très bien fait. Mmh. On dirait une sorcière, on dirait qu'elle est envoûtée. C'est vraiment... c'est super. Vraiment très, très bien fait. Par contre, mais j'étais déçue, parce que dans mon souvenir, cette scène-là, ça durait super longtemps et elle dézinguait tout le monde, alors qu'en fait, c'est très rapide. Et puis, la façon de tuer les gens, quoi, avec le tuyau d'eau, là, qui... Mais en fait, oui, voilà. S'envoler, bon... Non, mais ça tue pas... Voilà, ça tue pas les gens, le tuyau d'eau, ça les fait tomber, et après, elle met le feu, et puis voilà, tout le monde... Il y a juste la prof, là, qui se fait couper en deux par le truc qui lui tombe dessus, mais après, oui, elle met le feu et elle sort, donc on comprend, en fait, que tout le monde va mourir dans l'incendie, puisqu'elle a verrouillé les portes, mais c'est pas vraiment de l'horreur, du gore, tout ça. Alors que l'autre, effectivement, voilà, l'autre, il envoie, tu vois. L'autre, c'est plus long. Et puis il y a des morts un peu plus graphiques, c'est ça, comme on dit. On est plus dans l'horreur pour le coup, dans la nouvelle version. Mais toujours pareil, vu qu'on voit que ces effets spéciaux faits d'aujourd'hui, quoi, il y a des choses qui sont un peu trop. Voilà. Moi, je trouvais qu'elle utilise beaucoup plus ses pouvoirs. C'est les moyens le permettent, hein. Mais voilà, je suis un peu partagé entre les deux là, à ce niveau-là, au niveau de l'utilisation des pouvoirs. Chez Brian De Palma, ça m'a pas convaincu non plus, parce que voilà, vraiment cette séquence là, quand tu vois les tuyaux d'eau s'envoler, voilà, c'est un peu comme à Interville là, au moment où ils arrosaient les gars qui étaient sur une piste savonnée, quoi. Et si tu as lu la page Wikipédia de ce film, jamais. Tu sais que Brian De Palma regrette d'avoir fait appel à la méthode de l'écran divisé. Le split screen. Voilà, le split screen, tout à fait. Et c'est vrai que moi non plus, j'aime pas trop cet effet là. Moi j'aime bien, c'est le roi, hein. Dans tous ses films pratiquement il y en a un. Non, moi j'aime bien, il y a un côté que j'aime bien. Ce qu'il fait souvent aussi, c'est, ça lié au début du film, c'est qu'il filme dans une même profondeur de champ, je veux dire deux personnes qui ne sont pas en fait côte à côte. C'est-à-dire que tu vois le fond et un personnage en gros plan, et tu vois les deux bien nettement, quoi, si tu veux. Ce qui au cinéma normalement est impossible, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, bon, enfin, il le fait aussi. Ouais, c'est vrai qu'il marquait qu'il regrettait d'avoir fait ça. Moi j'aime bien cet effet là, mais bon, ce qui est montré est pas, C'est des gens qui hurlent, qui courent à droite et qui courent à gauche, mais voilà, il n'y a pas. Voilà, ça, c'est, nettement, ça, c'est un moment qui a vieilli, qui a vieilli. Donc, Carrie sort de l'endroit où se tenait le bal. Tout le monde est en train de mourir, sauf donc la prof de sport qui s'en sort. Et apparemment, quelques autres personnes aussi. Hein. Effectivement, c'est dommage qu'elle s'en sorte. Ouais, Voilà, parce tout que à ça, fait. là, Carrie, on sent. Non seulement elle s'en sort, mais en plus Carrie la sauve. Oui, Puisqu'elle la l'épargne. soulève au Elle moment où l'épargne. elle électrocute tout le monde, elle la soulève pour pas qu'elle se fasse électrocuter, elle la dépose ailleurs, grâce à ses pouvoirs magiques. Oui, c'est vrai, c'est pas Donc elle la normal. sauve. C'est même pas qu'elle l'épargne, c'est qu'elle la sauve puisqu'elle la prend pour la mettre ailleurs. À la limite, on aurait compris si elle avait sauvé la vie du gars qui l'a mené à la soirée, quoi, si Et tu oui, mais il veux. est mort. Alors, Il s'est pris un saut sur la tête. oui, alors dans la nouvelle version, on voit qu'il est clairement mort. Dans l'ancienne, il a pris juste un seau en fer-blanc sur la tête. Il est allongé dans une la mare de sang de porc. Moi, je suis pas certain qu'il était mort dans l'ancienne version. Ok. Enfin bon. Tandis que dans la nouvelle, on voit vraiment qu'il Ah y a un gros oui. choc et on voit qu'il a du sang qui lui appartient, en propre, hein, qui coule de sa tête. Donc, elle va rentrer chez elle pour tenter déjà de Et faire une non. petite toilette. Hein. Et non. Ah non, d'abord, Et non. elle tue Et oui. la méchante. Heureusement que je suis là quand même. Ouais, écoute, tu es indispensable. Là, alors dans l'ancienne version, ça se passe très très rapidement et c'est assez impressionnant quand même. Je trouve que tu prends un peu trop de caquet. D'accord, je te laisse résumer. Non, vas-y, vas-y, t'étais en train. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Je n'en ferai rien. Donc, dans l'ancienne version, j'ai trouvé ça un peu déceptif, la façon dont ils meurent, les méchants. Tandis que dans la nouvelle, il T'as y pas un a. dictionnaire, s'il te plaît? Déceptif? Ben, c'est-à-dire que j'ai été un peu déçu. Décevant alors. Non, j'ai trouvé que c'était déceptif. T'es vraiment Ça une blague. répondait pas à T'es mon vraiment un attente. gros glingue. Parce que donc, dans l'ancienne version, la méchante, quand même, essayait de l'écraser. Alors là aussi, ils étaient partis à toute berzingue en voiture, et tout d'un coup, elle est juste devant eux. Ce que je sache, elle n'a pas de pouvoir de voler ou d'aller à 300 km/h, mais enfin, bon. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, donc ils tentent de l'écraser, et là, Carrie se retourne et les envoie dans le décor. La voiture fait des tonneaux, elle explose. Fin de l'histoire, la fin la plus rapide des méchants dans un film. Ouais, voilà, c'est ça qui était un peu. Tandis que dans la nouvelle version, bon, il y a le côté où elle fait un tremblement de terre, là, et ça, bon, c'était pas terrible. Hein. Mais par Oui, c'est vrai, contre, ça c'est dommage. la façon dont elle tue la méchante, ouais, elle l'envoie contre une station de service, et l'autre, elle vient s'encastrer dans le pare-brise avec des éclats de verre et tout ça. Voilà, tu voulais qu'il se passe Mais que oui. vraiment la méchante. On voulait qu'elle en chie, la méchante. Voilà. Ça, c'est notre côté petit peu. Ouh, qui dit gars. Côté méchant. Donc, bon, elle la Après, c'est tue. vraiment un film américain. Hein. Ouais. Les gentils survivent et les méchants, voilà, plus ils sont méchants et plus ils en chient. C'est normal, c'est là, comme dans la vraie vie. Ouais, voilà, c'est ça. Je te dis pas la mort qui t'attend à toi, hein. Et tout ce que tu m'as fait. J'espère que ce sera vraiment un truc bien à feu. Enfin, passons. Enchaîne. Donc là, à part si tu veux encore me couper encore une fois, elle rentre chez elle. Parce que tout à l'heure, j'allais dire ça et tu m'as dit que j'avais oublié ce passage où elle tue la méchante. Donc elle rentre, enfin, chez elle pour faire un brin de toilette, hein, parce qu'elle a attaché légèrement sa robe. Je pense qu'il va falloir du KDR en pagaille. Là aussi, là moi, ça m'a voilà, ça m'a choqué. Elle prend un bain, elle ressort, mon pauvre, elle est immaculée. Elle y a plus, alors qu'elle était couverte de sang de porc. Et je peux vous dire que plusieurs fois j'ai été arrosé par du sang de porc quand j'étais au lycée et ça part pas comme ça. Ça et le zizi au cirage, c'est très difficile à faire repartir. J'ai une sacrée expérience là-dedans. Et donc, elle prend une douche, elle ressort, et nickel. Dans les deux versions, là, c'est voilà, monsieur propre. Et vient le moment de l'affrontement avec la mère. Alors, au début, si Carrie tente de trouver l'apaisement dans les bras de sa mère, et là, sa mère va lui parler en fait de ça. Comment dire? La conception de sa fille. Exactement. Et là, on va voir que la mère, c'est pas un grain qu'elle a, c'est voilà, plus qu'un grain. Je sais pas. Pourquoi? Eh bien, parce que. Mais on le savait dès le début, on sait qu'elle a un grain. C'est pas que qu'elle est religieuse, c'est qu'elle est folle. Oui. On le sait dès le début, on le comprend dès le début, je Voilà, pense. non, mais on va comprendre pourquoi elle est aussi folle, quoi. On va dire, c'est un peu l'explication, quoi, si tu veux. Son mari l'a pas violée, mais on n'en est pas loin, quoi, quand même. Non? Oui. Ouais, si on veut. Merci. C'est pas vraiment un oui, mais c'est pas vraiment un non non plus. Ça me suffit. Donc, alors voilà, là c'est pareil. Moi, j'ai trouvé que Dans l'ancienne version, l'interprétation de la mère, ça va pas du tout, quoi. Là, elle est vraiment trop dans le grandiloquent. Et puis surtout, il n'y a que la folie, quoi. Pour la mère, elle n'est que folle. Tandis que dans la nouvelle version, Julianne Moore, là, elle ou les scénaristes lui donnent quand même un peu plus de compassion pour la fille. On sent jusqu'à sa fin, quoi, si tu veux, qu'il y a quand même un côté plus affectif, quoi, avec sa fille. Enfin, elle lui plante quand même un couteau dans le dos. Oui, mais juste après, quoi, quand que Carrie se défend en lui plantant 267 fourchettes dans le ventre, si tu veux, il y a voilà, quand même une relation entre les deux, quoi. Donc, en tout cas, Carrie tue sa mère, ce qui, on le sait, arrive dans toutes les familles, ça. La fille tue toujours la mère d'une façon ou d'une À autre, coup hein, de fourchette. à coups de fourchette. Alors dans la nouvelle version, là, les fourchettes, ouais, vraiment tout y passe, quoi. À un moment, je m'attendais à voir le robot mixeur qui allait s'envoler et fracasser la tête de la femme. Et petite différence, donc, dans la nouvelle version, il y a celle qui voulait aider Carrie, qui s'appelle Suzanne, donc, Qui débarque? qui débarque. Alors Alors, que Carrie tient le cadavre de sa main dans les bras. de sa mère, De sa mère. dans les bras. Et là, donc, Carrie commence à tenter de plus ou moins de l'étrangler, je crois. Elle la soulève dans les airs. Et puis l'autre lui dit non, c'est Carrie qui découvre qu'en fait elle est enceinte. Ouais. On ne sait pas par quel. Alors, parce que Carrie, elle, les pouvoirs, Elle c'est. en a plein. Ouais. Je peux. Ça, c'est les scénaristes, hein, tu vois. Scénariste, ouais, comment on pourrait faire pour qu'elle sache qu'elle est enceinte, hein? Oh, ben, pour avoir le pouvoir de le dire, tu vois. Ça, c'est un bon truc pour les scénaristes, ça. Donc, elle l'a fait sortir de la maison, et là, il y a dans l'ancienne version, la maison s'effondre, et dans la nouvelle, c'est une pluie de cailloux, qui était, je crois, dans le roman, Non, qui. c'est pareil, la maison s'effondre aussi. Non, il y a C'est une les pluie de deux. cailloux. Qu'est plus de cailloux? Il y a une. Dans la nouvelle version, c'est des cailloux qui tombent du ciel Ah et qui bon? écrasent la Ah maison. ben alors là, j'ai raté ça. Ah, si, si. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une anecdote, c'est-à-dire que même dans l'ancienne version, ça devait être ça, parce que je pense que c'est dans le livre, ça. Sauf que dans l'ancienne version, ils ont tourné la scène, ils voulaient tourner la scène, mais la machine à cailloux ne fonctionnait pas, qui me devait balancer des cailloux. Et ils n'avaient pas assez de temps parce que la police allait N'importe débarquer et le quoi. jour allait se lever, donc la séquence était terminée. Donc ils ont décidé de mettre le feu à la maison et de la laisser s'écrouler tout bêtement. Alors ils étaient vachement déçus et tout. Et quand ils ont vu, parce qu'à l'époque ils le voyaient pas de suite, hein, il fallait développer la pellicule et tout ça. Et quand ils ont vu le résultat, ils étaient satisfaits et ça, voilà, Brian De Ok. Palma s'est dit satisfait par cette fin. Ok. Tandis que dans la nouvelle version, c'est vraiment des grosses pierres qui tombent d'on ne sait pas où. C'est un super pouvoir de Carrie encore, hein, qui c'est un peu le couteau suisse des pouvoirs, qui fait que la maison s'effondre. Et là, il va y avoir une petite différence dans les deux versions, c'est-à-dire que bon, Carrie est morte, est enterrée, et on retrouve le personnage de Suzanne qui se rend sur la tombe. Je pense qu'avant ça, il y a la scène du procès. Je me rappelle plus de ça. Tu Oui, dormais encore? c'est possible. Dans la nouvelle Dans la version. nouvelle version, oui, les deux survivantes sont au procès. Voilà. Mais bon, de toute façon, cette scène n'importe rien. Bon, j'ai bien fait de dormir. Alors. Tout à Ah fait. oui, non, mais je me rappelle, mais c'est très court. Oui, Ça oui, dure, oui. on voit une image, quoi. Et Oui. après, on voit. Elle dit juste que tous ses amis et son petit ami sont morts ce soir-là. Et voilà. Et donc, après, dans la nouvelle version, c'est au cimetière. Dans l'ancienne, c'est sur la maison qui s'est effondrée, hein, qu'elle se rend. Et donc, dans les Attends, deux. dans la nouvelle version, c'est au cimetière? Il me semble. Hein. Non, elle n'y est pas cette scène dans la nouvelle Parce qu'il version. y a la tombe avec. Si, parce qu'il y a la tombe et marqué. Il y a marqué deux choses différentes. Carrie hits shit. Voilà. Et dans l'autre, c'est Go to Hell. Tu te rappelles pas? Ah, attends, Carrie. Attends, c'est quoi déjà? Donc un débat de 4 heures, on nous a animé parce qu'on ne se rappelait plus très bien de la fin. Et on doit avouer qu'on va pas se retaper les deux films en entier pour voir juste à la fin. Donc moi, il me semble que dans la nouvelle version, elle se rend sur la tombe. Et dans l'ancienne version, elle se rend là où la maison s'est effondrée. En tout cas, dans les deux, il y a une main qui sort du sol et qui saisit la survivante là au bras. Voilà. Et elle se réveille, en fait, ce n'était qu'un cauchemar. On voit que elle a été traumatisée et qu'à mon avis, ça va faire un petit moment avant qu'elle puisse se dormir comme il faut. À savoir que dans la nouvelle version, était prévue une fin alternative où celle qui est des caries, là, Suzanne, elle était en train d'accoucher, en fait. Et c'est... Merci Wikipédia. Et c'est une main de... Non, c'est Brian de Palma qui me l'a dit, je te dis. Ah oui, non, mais lui, c'est pas lui qui a fait le nouveau film. Juste. Enfin, bref. Et donc, il y avait des mains qui sortaient du ventre de la fille et qui... C'était les mains de Carrie, quoi, en fait. Et là aussi, elle se réveillait. Elle était auprès de sa mère et elle commençait à hurler. Voilà. Donc, des deux films. Donc, toi, Julie, t'as déjà donné ta préférence. Oui. Et c'est vraiment lequel que tu préfères, alors? Le plus récent, celui de 2013. Même en sachant que, parce que pense qu'on a inversé le sens, voilà. Est-ce que tu n'aurais pas quand même l'autre a vieilli, mais est-ce qu'il était plus original? Parce qu'en fait, ils ont quand même suivi le scénario de l'ancien, si on regarde tout bien. Tout à fait. Donc, mais l'ancien, il est bien, il n'y a pas de souci, mais il a vieilli. Moi, je préfère aujourd'hui, voilà, je trouve que celui de 2013, il est bien. C'est une il des... est super, même. J'ai beaucoup aimé. Ah, tu le trouves super. Oui, j'ai beaucoup aimé. Moi, bon, entre les deux films, vraiment, mon cœur balance. Vraiment, et ça me surprend un peu parce que Brian De Palma... Mais avant qu'on ne le voie, tu avais dit que ça allait être une bouse. La nouvelle version? Oui. Oui, parce que j'avais vu beaucoup de critiques négatives. Finalement, tu trouves pas que c'était une bouse? Non. Non, non, je trouve que c'est honnête. Après, bon, ils se sont pas trop foulés la patate parce que si tu regardes bien, l'histoire est quasiment identique. Tout à fait. C'est juste remis au goût du jour. Voilà. Je dirais que pratiquement égalité, quoi. Voilà. Si, parce que le rôle de la mère, je préfère la nouvelle version. Le rôle de Carrie, je préfère l'ancienne. Mais Chloé Grace Moretz, comme je dis, à la fin, je trouve ses marques. Il y a des effets qui sont un peu trop prononcés dans la nouvelle version. Vraiment, ils ont, voilà, j'aurais préféré être, avoir des pouvoirs un peu plus légers, quoi. Je trouve que là, c'est un peu la solution de facilité aujourd'hui de balancer des trucs qui volent de partout. Mais le rôle de la méchante est quand même bien traité, est un peu différent. Voilà, il y a des petites différences qui font que finalement la version de 2013, on va pas dire que égalité, ça me gêne un peu, quoi. Mais si, allez, parce que vraiment quand même le film de Brian de Palma a quand même des petits soucis, quoi. Vraiment, il y avait des choses qui étaient vraiment un peu gênantes, des moments qui sont voilà, c'est vrai que c'est un petit peu long, c'est ce qui m'a... Par contre, on dort très très bien, pendant certaines séquences. J'ai vraiment très bien dormi, pendant certains morceaux. Voilà, on va dire que pour la première fois de ce podcast... On est d'accord ? On est pratiquement d'accord, ouais, presque, pour dire. Incroyable, pour la première fois de notre vie de couple, ouais. Ah, alors non, moi je dis que c'est à égalité, toi tu préfères la nouvelle version. Ah oui, c'est vrai, ah ben alors non, on n'est pas d'accord. Ah zut. Un jour, ça arrivera, peut-être. Peut-être. On ne sait jamais. Quel sera notre prochain podcast? Alors, bon, vu qu'il y a la totale qui va passer très bientôt sur la tête de T, je pense qu'on va plus ou moins profiter. Alors, moi, je sais lequel je préfère. J'adore. Chut, ne dis pas. Des auditeurs, ils vont le savoir. Après, ils ne vont pas nous écouter pour la prochaine fois. Mais c'est un bon film, un bon choix. Voilà, la totale contre True Lies. James Cameron contre Claude Zidi. Où est-ce voilà. que tu en es de tes recherches concernant Jason et les Argonautes? Ça progresse, ça progresse. J'ai l'éditeur finlandais qui doit me faire parvenir une copie du film. D'accord. Il n'y a que là-bas qu'on arrive à trouver ce film en DVD en Finlande. Okay. Donc, mais par contre, il faut que j'y prenne quand même 4 caisses de harangues si je veux avoir le DVD gratuit. C'est comme ça là-bas en Finlande. Bon, ok. Voilà, donc je vous invite à nous suivre sur Twitter, Facebook, WhatsApp, SMS et sur Free aussi, sur la box de Free, où on est on communique vachement là-dessus. N'oubliez pas de nous faire parvenir des télégrammes, voilà, vraiment tous les moyens sont bons. Je vous rappelle aussi qu'au Jardin des Tuileries, il y a une poubelle où si vous laissez un mot dedans, il y a quelqu'un de chez nous qui ramasse les poubelles et qui trie. Et si vous avez laissé un petit mot, il nous le fera passer. On remercie Alex d'ailleurs. Il s'appelle Alex. Il va passer un petit coucou. Un petit coucou Alex, Julie. Ouais. Merci. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, mais j'en suis sûr parce qu'on est très content de nous-mêmes. Julie, est-ce que tu as trouvé cet épisode chouette? Bof. Je trouve que, en fait, Jérôme, je trouve que nos podcasts, nous, on se régale de les faire, mais je pense que ça n'a aucun intérêt de l'écouter, en fait. Alors, attends, tu vois, tu dis ça, ah ben, pour te remonter le moral, hop, j'ouvre une dernière lettre. Alors, une lettre de monsieur Argonaut, Jason, il s'appelle. Okay. C'est... qui nous dit « Cher Jérôme et Julie, ne perdez pas espoir. Je trouve que vous améliorez de podcast en podcast. Vous êtes pour moi une source d'inspiration et vous égayez ma vie mois après mois. Merci vraiment d'intervenir sur les ondes, d'avoir créé ce podcast. Je vous aime tous les deux. Gros bisous, à plus. » Signé, votre Jason à vous. Okay. Alors, t'es pas convaincu? Si. De l'utilité? Tu m'as convaincu. De ce podcast? Ouais. Bon. C'est vrai. On remercie Jason. Argonautes. Je sais pas pour. Enfin, c'est un peu particulier. Peut-être est-il finlandais, je sais pas, avec un nom comme Argonautes, ça se prononce peut-être. À un moment donné, il est temps de clôturer. Je sais pas que tu te régales, mais. Tu cherches encore d'autres blagues. Là, il faut y aller. Là. C'est pas des blagues, je dis, d'accord? Bon, allez, viens, on va goûter. Bon, d'accord. Donc, je vous invite à nous suivre. Sur. Je me suis trompé de musique, comme d'habitude. Voilà, comparsiné, c'est fini. À la prochaine pour très certainement un comparsiné qui portera sur la totale contre True Lies avec Julie et Jérôme. À bientôt. Tchuss bilous.